Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouveau concert à la radio, émission réalisée par Thomas Delafosse. Et ce soir, c'est la guitariste Marie Olaya qui vient poser ses amplis dans le studio de Campus FM pour un solo que l'on écoutera dans quelques instants. Le temps pour moi de recevoir Leïla Belobre du festival de guitare d'Aucanville qui aura lieu, ce festival, dans un mois, du 16 au 26 mars, et dans lequel Marie Olaya est programmé deux fois. Le premier concert aura lieu en première partie de celui de Salomé Leclerc et ça sera à Aucanville à la salle Georges Brassens. Quant au second, il s'agira d'un ciné-concert sur un dessin animé japonais. Ça sera en clôture du festival le dimanche 26 mars. Et là, nous serons au cinéma Jean Marais, également à Aucanville. Leïla Belobre, bonsoir. D'abord, deux mots sur Marie Olaya. Ça fait pas partie la musique improvisée trop des canons de ce festival qui en est déjà sa 31e édition. Bonsoir, ben oui, ben peut-être qu'il faut que tout arrive. Le but de ce festival, c'est de mettre en avant la guitare et toutes les façons différentes dont on peut en jouer. Donc la musique improvisée en fait partie. Autant tester ça et faire découvrir cette facette-là à nos spectateurs. La venue de Marie Olaya qui fait partie d'une démarche entamée déjà depuis 3-4 ans, par petites touches, petit à petit, la philosophie de ce festival est en train de changer. Au départ, c'était l'occasion de voir aussi, j'allais dire, des vieux cadors de la guitare. Canedite est passé à Aucanville il y a une douzaine d'années. Bilo Zevo Bilo est passé également à Aucanville dans ces années-là. On a pu voir là-bas des tenants du blues, des guitaristes très en vogue à ce moment-là passer à Aucanville. Et vous, petit à petit, depuis que vous avez repris un peu la programmation avec une nouvelle équipe de ce festival, on arrive à avoir Marie Olaya programmée dans ce festival, mais plein d'autres choses nouvelles, en particulier le fait que la moitié de la programmation, par exemple cette année, est consacrée à des musiciennes toulousaines. Ben oui, il y a plusieurs démarches dans lesquelles on a envie de s'inscrire depuis pas mal de temps. Aussi bien l'envie de mettre en avant les talents de la scène locale parce que on a des talents incroyables et que malheureusement, c'est pas toujours facile de jouer à la maison. Mais aussi sur des questions d'écologie, on travaille aussi bien sur le rapport du public qui vient jusqu'à la salle. Et cette année, on a beaucoup de chance parce qu'on a le Linéo 10 qui vient d'arriver, mais aussi celui des artistes. Donc on essaye de faire venir des artistes qui sont forcément moins loin de nos salles ou de les faire venir en train et de profiter rarement. Là, pour le coup, on a une artiste internationale qui était en tournée sur le territoire. Mais voilà, on se rapproche de chez nous pour ces deux raisons-là. Le summum étant la venue du duo Ghost on a Wire qui sont des adeptes du vélo. On rappellera simplement que l'été dernier, ils ont fait leur tournée estivale en vélo sur la côte basque et landaise jusqu'à Nantes, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Effectivement, toute la tournée c'est fait en vélo. C'est important ces démarches écolo et musique durable pour ce festival. Oui, pour moi et pour l'équipe du festival, c'est des démarches qui sont très, très à mettre en avant et sur lesquelles, de toute façon, il va falloir se confronter dans les prochaines années. Donc, en effet, il y a Ghost on a Wire qui a fait sa tournée en vélo. Il y a Guédré qui a décidé de ne pas faire sa tournée en Nouvelle-Calédonie et donc qui s'est rendu disponible pour le festival cette année aussi. Elle y verra sans doute moins de soleil. Mais bon. Ça dépend, le public sera peut-être feu tout flamme. Et même au niveau de nos partenariats, on essaye de travailler avec du local, que ce soit avec le catering, le brasseur, tout ça. Voilà. Un festival en ce moment, c'est un événement difficile à organiser. Vous avez passé deux ans un peu gênés par le Covid. On dit régulièrement que le public n'est pas encore revenu de manière massive dans les salles de spectacle. Le cinéma s'en aperçoit grandement, mais c'est vrai que certains spectacles ont pu être annulés cette année à Toulouse par faute de prévente. C'est difficile à organiser un festival en ce moment ou pas ? Eh ben, pour le coup, cette année, ça commence à redevenir, je dirais pas moins difficile, parce qu'il y a toujours plein d'aléas et plein de choses à gérer, donc c'est jamais facile en tout cas. Mais là, on peut le voir au niveau des préventes, on est déjà bien mieux que... on est deux fois au niveau des ventes de l'année dernière à la même période. Donc là, j'espère que le Covid est derrière nous réellement et qu'on va pouvoir profiter et faire profiter le public sur des concerts sereins et nous aussi nous rassurer avec parce des que réservations. Pour l'économie d'un festival, une édition moyennement réussie, c'est un empêchement de continuer ou pas ? C'est un risque, certain, aussi bien quand c'est des questions de billetterie que des questions de soutien financier de la part de partenaires ou de mairies. Nous, on a de la chance d'être soutenus depuis des années par les mairies de tout le nord toulousain qui veulent maintenir cet événement encore et encore. Donc, on sait qu'on peut leur faire confiance et qu'on a cette assise-là, mais c'est sûr que si on a deux ou trois années qui sont difficiles et qui vraiment ne fonctionnent pas, on prend le risque de perdre ces soutiens-là. Leïla, vous êtes aussi impliquée dans d'autres manifestations toulousaines. Vous êtes aussi la manageuse de quelques artistes toulousains. Je pense à Morify ou le groupe le Baron de Vincennes qui vient de sortir un nouvel album. Vous êtes à Jazz sur son 31 également. Vous faites partie de l'équipe aussi de Piano Jacobin. Cette scène toulousaine dont vous nous disiez plein de choses agréable tout à l'heure, vous la voyez évoluer comment ? Eh bien, ça dépend, ça change énormément. Il va y avoir aussi bien des nouvelles réalisations, des nouvelles créations, des salles qui s'ouvrent, des salles qui se ferment. Ça fait quoi, depuis 2015 que je suis à Toulouse, donc je vois qu'il y a beaucoup de changements en permanence, mais toujours la même quantité d'artistes talentueux et de nouveaux talents. Donc, impossible de savoir de quoi sera fait demain, mais Je suis confiante. Et dans ces nouveaux talents, Marie Olaya a une place assez particulière, guitariste. On en parlera avec elle tout à l'heure. Guitariste improvisatrice, on l'a vu il n'y a pas très longtemps au Taquin, en première partie de la version 2023 de l'opération The Bridge, avec un set assez brillant. Espérons simplement que le set qu'elle va nous donner dans 2-3 secondes le soit aussi. Je vous laisse avec Marie Olaya. Merci Leïla Belobre d'être passée dans cette émission. Et je rappelle, le festival dont vous vous occupez présentement, c'est celui d'Aucanville, la 31e édition. Il aura lieu du 16 au 26 mars prochain. Et on pourra y écouter notamment dont Marie Olaya, que l'on retrouve avec sa guitare et son rack de pédales multiples. Elle nous en dira un peu plus juste après ce que l'on va écouter maintenant. Merci. Thank you. Marie Olaya, on se retrouve après ce set, j'allais dire explosion bruitiste, explosion sonique, avec votre guitare électrique et vos diverses pédales. C'est quoi d'ailleurs les pédales que vous avez utilisées pour ce set ? Bonsoir. Alors, ce sont toujours les mêmes que j'utilise. En fait, j'ai une pédale de volume qui me permet de gérer l'entrée de son de la guitare. Et après, j'ai trois pédales de saturation, pour distinguer trois étages bien différents d'intensité. J'ai une pédale de fuzz, une pédale de boucle, de délai et de reverb. Mmh. C'est beaucoup, mais bon, en fait, ça va très vite. Et pour l'avoir vu tout à l'heure, c'est facilement installable, quoi. 10 minutes et ça y est, tout est prêt. Le propos, lorsque vous commencez un solo comme celui que l'on vient d'écouter, le propos, c'est quoi ? C'est de tester toutes les possibilités sonores de l'instrument, faire vibrer l'auditeur par un certain nombre d'atmosphères que vous lui faisiez vivre ? Que vous lui faites vivre ? Alors, en fait, je ne pense pas du tout à mon matériel quand je joue. Ça part d'un concept plus philosophique. L'année dernière, j'ai lu le livre des samouraïs qui s'appelle « Lagakure ». Et il y a quelques passages à l'intérieur qui m'ont beaucoup parlé. Qui m'a fait faire... en fait, dans ce livre, ça parle beaucoup de l'instinct quand même. Pas que de ça, mais moi, j'en ai tiré cette information-là. Et couplé avec les ateliers que je fais depuis des années avec Marc Demereau, saxophoniste de musique improvisée, qui m'a beaucoup parlé de l'instinct aussi, musical. Enfin, l'instinct en général qu'on traduit en musique et que par les musiques improvisées, comme il n'y a pas de, entre guillemets, de code harmonique, mélodique et rythmique, ça donne une espèce de liberté d'expression qui est quand même très grande. Donc moi, je pars d'un paragraphe de Lagakure qui parle d'une mise en situation lorsqu'un orage éclate, lorsqu'on est à l'extérieur. Sachant que c'est un livre qui n'est pas tout à fait récent, donc je ne parle pas au centre-ville où il y a tous les shops qui sont ouverts pour pouvoir s'y introduire à l'intérieur. Mais moi, là, j'ai un orage en pleine nature. En tout cas, je m'immerge dans un orage en pleine nature et mon but est de trouver un abri. Je pars sur un abri de forêt parce que j'ai grandi à côté d'une forêt qui était mon propre abri quand j'étais plus jeune pour X raisons. Et sachant que dans tous les cas, nous serons trempés. Voilà, donc c'est un paragraphe qui m'a beaucoup marqué et en fait, je m'imprègne de ça. Et le jour où j'estimerai que j'aurais bien mis en tableau sonore cette situation de vie-là, peut-être que je passerai à autre chose. Donc c'est vrai que c'est la même histoire que vous racontez pour le moment à chaque fois, comment on se met à l'abri, éviter la pluie, dans une forêt, ce qui est quand même assez étonnant quand on entend le résultat, et puis en même temps, on entend plein de choses dans ce solo, des moments d'intense bruitisme, et puis des moments très très calmes avec une espèce de fil conducteur qui accompagne tout ce solo et une petite mélodie, si je peux dire, parce que des mélodies dans votre musique, effectivement, ça ne fait pas partie, mais une espèce de fil qui revient tout le temps et qui, à la limite, rassure un peu l'auditeur parce que c'est sans doute à ça qu'il peut se raccrocher. Je pense, oui, en effet. Alors ça, pareil, ce n'est pas réellement conscientisé. De l'analyse que j'en fais quand je joue ça, c'est qu'il y a deux choses. Il y a une mise en image de la situation, donc avec tous ces bruits, tout ça, qui met dans un contexte, un paysage sonore. Mmh. Et après, il y a la réflexion à l'intérieur de soi. Et donc, du coup, ce qu'il y a de très intéressant dans cette manière-là de jouer de la musique, c'est que d'un jour à l'autre, en fait, ça peut changer. Mmh. Il y a des jours, un orage éclate et on peut le prendre vraiment avec calme. Bon, bien entendu, moi, à la guitare, même si je suis très calme, je vais quand même imager un orage au bout d'un moment parce que sinon, on ne comprend pas. Il faut que pas. Ça fasse du bruit. Voilà. Par exemple, je trouve quand même que ce concert-là que je viens de faire est quand même plus mélodique que celui que j'ai fait au Taquin le 31 janvier dernier. Alors que le concept est le même, mais c'est, mon état intérieur n'est pas le même. Je suis une humaine qui traverse tout un tas d'émotions tous les jours, comme tout le monde, et des situations. Et on va dire qu'aujourd'hui, vous étiez plus sereine que d'habitude. Voilà, donc la traversée de l'orage, et j'ai l'impression d'avoir trouvé un abri assez tôt, mais j'ai même ressorti la tête de cette forêt, même pour revoir un petit peu l'orage, donc je le perçois vraiment intérieurement comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que vous pouvez analyser à chaque fois que vous donnez ce solo, la façon un peu dont vous l'avez abordé. Alors, d'une manière émotionnelle, oui, mais pas musicale. Donc, si je n'ai pas d'enregistrement, donc là, la chance, il y a un petit enregistrement, donc je vais pouvoir entendre. Là, ça tombe bien, ça a été enregistré, oui. Et j'ai une amnésie alors amnésie, tout est relatif, bien sûr. Je ne traverse pas un blanc spatial pendant 30 minutes, mais j'ai un petit peu de mal. Je suis tellement à la recherche d'un instant présent, qu'à partir du moment où une note est jouée, elle est passée. Donc, en fait, je ne retiens pas la trame générale. Je sais qu'il y a un orage qui est traversé, là, je sais qu'il y a eu des mélodies, mais il faut vraiment que je l'écoute pour me rendre compte. Par contre, intérieurement, je peux vraiment analyser ce qui s'est passé. Ouais. Et donc, pour le cas d'espèce, celui d'aujourd'hui, un peu plus serein que d'ordinaire. Oui, et il faisait beau aussi aujourd'hui, et il y a ça doit être plein ça. De choses. Donc nous avons fait une traversée dans la ville pour venir à la radio tranquille, il n'y avait pas de bouchon, donc pas d'énervement, ça doit être ça. Voilà, aussi. C'est exactement, ça y joue. ça veut dire que par contre, lorsque vous entamez un nouveau solo, après l'avoir joué une semaine, 15 jours, 3 semaines avant, vous ne partez sur aucune des bases que vous avez posées sur le solo précédent. Du moins, c'est pas conscientisé. Après, j'ai ma palette de sons. J'ai bien remarqué que j'ai aussi mes gammes, mes modes, qui sont quand même assez récurrents, qui sont plutôt récurrents. Par contre, ils sont pas agencés de la même manière, quoi. À chaque fois, c'est un puzzle différent. Mais après, je connais bien tous mes sons. Je sais que si je mets mes saturations à fond avec la pédale de volume levée, ça fait un souffle qui pourrait exprimer le vent, par exemple. Et je sais que j'utilise cet outil-là. Bam, mais je me dis pas, ah oui, je vais commencer par faire un son de vent et puis après je vais faire ça. Voilà quoi, je suis comme une peintre qui a sa palette de couleurs et qui jette de la couleur sur la toile. Voilà, mais qui connaît bien par contre les couleurs qu'il a. Et le résultat que ça va donner sur cette toile. Plus ou moins. Lorsqu'on vous connaît un tout petit peu, Marie Olaya, quand je dis connaître, c'est votre parcours. C'est vrai qu'il y a, c'est un parcours assez singulier. On va dire que vous avez passé une quinzaine d'années à pratiquer la guitare, j'allais dire de manière académique, conservatoire, cours de guitare, solfège, les grilles, les gammes, la position exacte de la guitare classique. Pour en arriver à tout envoyer balader et à pratiquer la guitare que vous faites, que vous pouvez faire aussi en acoustique, hein, ce même solo, vous pouvez autant le jouer sur une guitare classique que sur une guitare électrique. Mais c'est vrai que le fait de passer d'un univers très conservateur et venant du conservatoire à la musique un peu improvisée que vous avez joué ce soir, c'est un sacré chemin. Comment vous pourriez un peu nous le raconter en 3 minutes? Alors, c'est très simple, mais je ne vais pas en venir à la conclusion de suite si j'ai 3 minutes. Mais du coup, sortie de conservatoire, j'avais 19 ans et j'ai fait beaucoup de flûtes traversières aussi. Beaucoup, beaucoup. J'étais dans l'harmonie du Tarn un petit peu, tout ça. Le choix, c'est offert à moi entre tenter l'entrée au CNSM à la flûte traversière après le bac ou de continuer avec la guitare. Moi, je savais que c'était la guitare. Moi, je me suis retrouvée au conservatoire très jeune par défaut. Je voulais vraiment jouer de la guitare. Je voulais jouer du blues quand j'étais petite. Mais de la campagne d'où je viens, il n'y avait pas tellement l'opportunité de trouver un blues band ou une blues girl qui jouait. Donc, du coup, on m'a inscrit au conservatoire. Voilà. Et du coup, du temps que j'avais une guitare dans les mains, j'étais contente. Et sauf que quand je suis arrivée à l'âge de 19-20 ans, je me suis rendu compte à la sortie de l'académie que hors des murs de ce conservatoire, je ne pouvais rien faire. Je savais bien bouger mes doigts, main gauche, main droite, sur la guitare. Je connaissais tout un tas d'études de valse vénézuélienne, de tout ça. Donc du coup, j'ai travaillé la musique brésilienne après. Pour rajouter le rythme d'une musique bien vivante avec la guitare classique. Et puis après, bon, j'ai appelé une psychanalyste, quoi. Et je suis toujours dans ce travail psychanalytique qui est de déconstruire ce que j'ai construit. Mais attention, déconstruire, c'est pas démolir, quoi. Oui, parce que j'allais dire, déconstruire, c'est quand même pas oublier les bases qui vous ont été données au conservatoire, qui sont sans doute strictes, pénibles, à acquérir, mais n'empêche des bases sur lesquelles vous pouvez sans doute construire le répertoire que vous faites en ce moment. Bien entendu, par contre, je peux le dire par expérience, c'est que lorsque la déconstruction commence, on a l'impression qu'on ne sait plus rien faire. On perd une vélocité sur l'instrument assez grande, parce que aussi ça nécessite, du coup, la déconstruction est mentale, donc il y a forcément un arrêt de pratique qui doit s'opérer, parce que si on joue tous les jours la même chose et qu'on veut déconstruire en même temps, ça ne peut pas fonctionner. Ouais. Donc on est obligé de passer. Alors moi, j'ai passé presque un an sans jouer. J'ai même fait un CAP pâtisserie entre-temps pour être sûre de me décoller très bien de l'instrument. Et quand je suis revenue, je me souviens très bien, l'année dernière, Marc Demereau jouait avec Nicolas Lafourest, Granite Lip, au Taquin, en octobre dernier, 2022, si c'était en octobre dernier. Non, alors, oui, parce qu'on est en 2023 maintenant. Alors, octobre 2021. Et c'est là où j'ai dit à Marc, bon, là, j'ai complètement arrêté la musique. Je bosse en pâtisserie, mais je veux vraiment faire de la musique. Mais je veux jouer du free, de la musique improvisée, des choses comme ça. Je n'ai aucun réseau. Puis il m'a dit, reviens. Et là, quand je suis revenue, après tout ce temps passé sans mon instrument, les séances de psychanalyse, travailler en pâtisserie et tout ça, il aura fallu là, une collaboration avec le collectif Troisième Face dont je fais partie et Freddy Morrison, que Florian Nastor, un saxophoniste, me propose un duo de musique improvisée, et là j'ai senti dans ma tête les goupilles complètement se retirer. Et que vous pouviez repartir sur d'autres chemins et complètement, oui. Et par contre, ça n'empêche pas que honnêtement j'ai quand même perdu en guitare classique. Mais je reviens là-dessus. Mais quand vous dites perdre, c'est le côté véloce, le côté rapidité, le côté maniabilité des mains. Oui, et la précision de jeu. Précision, comme vous disiez tout à l'heure, le placement parfait de la corde, des doigts, la gestion de l'intensité, des nuances avec la main droite. Voilà, d'avoir tous les doigts qui possèdent, entre guillemets, la même force. Voilà, là, j'ai quand même perdu, mais ce n'est pas du tout grave pour le coup. Et puis, c'est pas rédhibitoire pour la musique que vous faites aussi et les projets que vous avez autour de ces musiques que vous pratiquez maintenant. Ça veut dire quand même que la guitare classique, par exemple, c'est quelque chose que vous avez complètement abandonné dans l'idée de rejouer dans ce contexte-là? Non. Et d'ailleurs, je suis en train de remonter un solo de ça. Mais donc, du coup, de musique écrite. Alors, pardon, c'est pas totalement musique écrite, mais il y a quand même des valses vénézuéliennes à l'intérieur. Et en fait, Baden Powell, qui est un compositeur de musique brésilienne que j'aime énormément, a écrit des afro-sambas, et c'est très ouvert harmoniquement. Et alors du coup, il s'avère que du coup, d'avoir repris la guitare classique, de rejouer du Baden Powell de cette manière, ben en fait, je sors ma spatule et mes outils et je mélange petit à petit les deux. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas Faire un autre répertoire. Mais je n'en suis pas encore à le diffuser. Oui, pour le moment, c'est... On a compris que pour le moment, il vous fallait sortir de la forêt, vaincre l'orage pour passer à autre chose. Exactement. deux mots sur la guitare. C'est vrai que vous jouez donc deux fois dans le cadre du festival de guitare d'Aucamville. Vous avez un attachement particulier à cet instrument. Vous nous disiez tout à l'heure que vous faisiez aussi de la flûte traversière, mais vous saviez que c'était la guitare qui vous intéressait. C'est quoi le rapport que vous avez à cet instrument ? Oh, il est très très simple. Alors déjà, dans la chambre de mes parents, il y avait une guitare. Et mon père travaillait de nuit et j'avais le droit de gratter les cordes pour le réveiller quand j'étais petite, mais doucement. Alors du coup, je faisais ça. Et en fait, mon papa est un fou de guitare. Mais un fou de guitare. Il a appris à me détecter les Fender, à ce que je détecte les Fender, les Gibson, les Gretsch. J'avais 4 ans, je savais détecter les sons différents. Je connaissais les noms des guitaristes dans des groupes qu'il écoutait. Et dès que j'ai eu 7 ans, il m'a amené voir Marc Knopfler en concert, qui m'a amené à chaque fois qu'il faisait une tournée, d'ailleurs. Dans le guitariste de Dire Straits. Oui, le guitariste de Dire Straits. Et alors là, lui, c'était vraiment mon héros quand j'étais petite. Et même, j'écoute beaucoup moins maintenant, mais je pense que ça l'est toujours. Et donc, du coup, il m'a toujours... mon monde a toujours tourné autour de la guitare, vraiment. Enfin, je parle de mon père surtout, mais ma mère, d'ailleurs, suivait complètement ce chemin-là. Donc, Festival d'Aucamville, vous allez jouer deux fois. Donc, une fois en première partie, je l'ai noté tout à l'heure, j'ai perdu la page, mais ça va revenir, de Salomé Leclerc, qui est plutôt une guitariste folk rock québécoise. Donc qui fait aussi de la chanson. Donc vous serez en première partie de cette artiste québécoise le samedi 18 mars. Oui. Et puis on vous verra en fin de festival dans un ciné-concert autour d'un dessin animé japonais. Mais contrairement à la plupart des dessins animés qu'on connaît japonais, c'est plus un animé qu'un dessin animé. Oui. C'est des petits personnages fabriqués avec de la laine, des boules, de la feutrine et de l'animation image par image. C'est quoi qui vous a intéressé dans ce projet-là ? Et est-ce qu'on compose différemment pour des images que lorsque vous partez sur une description imaginaire d'un orage en forêt ? Alors du coup, ce ciné-concert-là, c'est les aventures d'une petite chatte rousse qui s'appelle Koma. Donc le dessin animé, l'animé se nomme Koma Neko. Et en fait, moi, je le vois comme une rencontre avec elle. Alors du coup, je reste fidèle à l'improvisation. Il y a un petit peu plus de contraintes, bien entendu, que quand je suis toute seule. Je partage mon espace avec Koma Neko. Donc du coup, je respecte, je suis là pour suivre ses mouvements et mettre une couleur sonore sur ses aventures. Donc là, je me donne un peu plus de contraintes techniques, mais par contre, je reste fidèle, je tiens à l'improvisation. Ça veut dire que pour le moment, vous n'avez rien écrit pour cet animé-là. Vous allez le jouer en regardant les images que vous avez déjà vues d'ailleurs ou pas ? Oui, j'ai fait 3 fois déjà. D'accord. J'ai déjà suivi ces aventures 3 fois à la Cinémathèque de Toulouse l'hiver dernier. Et après, ce que je peux dire avec le recul, c'est quand même ces 3 représentations, l'esthétique est très proche. Justement, je me donne des contraintes de tonalité, par exemple, ou quoi, pour respecter, pour moi, la couleur de Koma Neko, c'est telle harmonie, c'est telle mélodie. Donc, il y a quand même bien plus de conscience. Voilà. Eh bien, très bien, donc ça on pourra le voir le 26 mars à 16h au cinéma Jean Marais à Aucamville, dans le cadre donc de cette 31e édition du Festival de guitare d'Aucamville. Marie Olaya, merci d'être passée dans cette émission, merci pour le petit set que vous nous avez joué tout à l'heure, celui-là on va le garder très précieusement dans les archives, et puis on vous en fera passer un extrait, comme ça vous pourrez vous réécouter et essayer de vous souvenir dans quel état d'esprit vous étiez aujourd'hui pour le jouer. Et oui, merci beaucoup. Merci beaucoup de vous soucier de ça. Voilà, donc Caramel Mounon, concert à la radio, c'est terminé pour aujourd'hui. Thomas Delafosse a mis en son et a réalisé cette émission. C'est lui aussi qui a fait le son de la partie concert de cette émission. Concert à la radio, on se retrouve dans une petite quinzaine de jours pour un nouveau concert à la radio. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les filles.